Je me sentais prêt de pleurer. Je lui dis que je reviendrais, et je me sauvais. J'allais me coucher sur l'herbe, jusqu'à ce que j'entendisse la cloche. Alors je m'approchai, mais je restai en dehors de la chapelle. Quand la messe fut dite, je retournai à la venta. J'espérais presque qu'Armène se serait enfuie. Elle aurait pu prendre mon cheval et se sauver. Mais je la retrouvai. Elle ne voulait pas qu'on pût dire que je lui avais fait peur. Pendant mon absence, elle avait défait l'ourlet de sa robe pour en retirer le plomb. Maintenant, elle était devant une table, regardant dans une terrine pleine d'eau le plomb qu'elle avait fait fondre et qu'elle venait d'y jeter. Elle était si occupée de sa magie qu'elle ne s'aperçut pas d'abord de mon retour. Tantôt, elle prenait un morceau de plomb, le tournait de tous les côtés, d'un air triste. Tantôt, elle chantait quelqu'une de ses chansons magiques, où elle invoque Marie Padilla, la maîtresse de Don Pedro, qui fut, dit-on, la barre et Kralis, ou la grande reine des bohémiens. « Carmen, lui dis-je, voulez-vous venir avec moi ?» Elle se leva, jeta sa sébile et mit sa mantille sur sa tête comme prête à partir. On m'amena mon cheval. Elle monta en croupe et nous nous éloignâmes. « Ainsi, lui dis-je, ma Carmen, après un bout de chemin, tu veux bien me suivre, n'est-ce pas ?»« Je te suis à la mort, oui, mais je ne vivrai plus avec toi. » Nous étions dans une gorge solitaire. J'arrêtai mon cheval. « Est-ce ici ?» dit-elle, et d'un bond elle fut à terre. Elle ôta sa mantille, la jeta à ses pieds, et s'était immobile, un poing sur la hanche, me regardant fixement.